qui me pousse. Un tas de 16 à gratter, un tas de flouze, un tas de buzz et plein de scènes à éclater. Donc je bouge sous spliff de 12, le disque écoute le couze. On kick ça nous de 7, 8 et 92. C'est LLRM et Sultan, le truc s'élève, nos textes sur toutes les lèvres, mettent les têtes sous le charme. Motivation vient de la famille en premier lieu, bienvenue dans la banlieue. 7, 8 et 9, 2, vu qu'on est deux, je veux la réussite, l'accès du titre plutôt que de la thèse. Okay. Donc je troule le beat, les roues du shit plutôt que de la cesse. Okay. Je compte pas m'arrêter en si bon chemin, t'as vu, car si non, notre rap est apprécié, bah c'est qui représente bien la rue. Les soirs de la motivation, y'en a à foison. Tu nous vois pas encore, mais considère-nous comme ton poison. Demande au holster si j'ai pas l'arme en main ici. Donc tout le temps, tu fous le camp quand je suis exultant au MIC. 7, 8, Sultan LRM, poussé par l'ambition et dirigé par la haine. Ça c'est la vie qu'on mène, tu peux jacter dessus, le pâté de rue, c'est sur un truc qu'on vide nos peines. 9, 2, Sultan LRM, poussé par l'ambition et dirigé par la haine. Ça c'est la vie qu'on mène, tu peux jacter dessus, le pâté de rue, c'est sur un truc qu'on vide nos peines. Enfermé dans la javée, moi j'ai l'inspi qui me vient, surtout quand la flic a mis à enfermé pour rien. Des fois, je fais des trucs, je déçois, mais je suis pas né dans la foi. Ça prend que la vie c'est le bif quand je vois les rampes à la fin du mois. Un mal pour un bien, mais c'est ça qui me fait avancer. T'as testé, t'as goûté. C'est avant qu'il fallait y penser. La joie, dis-moi où c'est. Les haineux ne font que me pousser. Tu promets au succès, ce bâtard, moi je vais les pousser. La haine m'alimente, les mecs m'attestent, me complimentent. Les langues de pute, c'est de la pub, t'inquiète, c'est rien vu qu'ils mentent. Notre langage s'allie Molière, y'a de l'inspire dans notre argot. 92 sultans, ni une galère, ni un fardeau. Moi je suis baisé dans l'écriture, pas comme à l'hôtel. Dans le rap, j'ai pris des ailes, et c'est que je peux y faire chose qu'elle. J'ai la dalle au ventre, la gueule ouverte, à peine je venais de net. Je monte la pente au tire-seuf, tu ne pourras pas me la mettre. Yeah. 7, 8, sultan LR. Poussé par l'ambition et dirigé par la haine. Ça c'est la vie qu'on mène. Tu peux jacter dessus, le pâté de rue. C'est sur un truc qu'on vit nos peines. 9, 2, Sultan LRM. Poussé par l'ambition et dirigé par la haine. Ça c'est la vie qu'on mène. Tu peux jacter dessus, le pâté de rue. C'est sur un truc qu'on vit nos peines. Poussé par les thunes, moi je t'avoue que je veux le confort. La paye dans l'effort, pas besoin de ton réconfort. Facile de finir mal ici, le diable se reproduit. L'école me laisse, la rue m'appelle, le rap me veut qu'à lui. Là je suis en train de poser, car poussé par le grand ref. Les larmes des miens dans le cœur, ceux de mes ennemis, moi j'y sœur. Quand c'est la merde, j'évite de demander de l'aide. En gros poussé par la famille, la teste, le 9 de il blesse. Je préfère vivre comme un loup, plutôt que crever comme un chien. Je préfère écrire comme un fou, plutôt que de crier à la fin. Je déverse des litres d'encre, quand certains déversent des douilles. Je fais vibrer les foules, tu sais, par des textes qui sortent des couilles. J'ai la dalle du félin, je passe un tas de temps. Pendant que toi t'attends, tu fais le grand et puis tu fais l'impasse. Sur nos blases, nous on vient gérer nos places. Du son dans nos classes, trop de pulsions sous le pulse, on range nos schlasses. 7, 8, Sultan LRM, poussé par l'ambition et dirigé par la haine. Ça c'est la vie qu'on mène, tu peux jacter dessus, le pâté de rue, c'est sur un truc qu'on vit nos peines. 9, 2, Sultan LRM, poussé par l'ambition et dirigé par la haine. Ça c'est la vie qu'on mène, tu peux jacter dessus, le pâté de rue, c'est sur un truc qu'on vit nos peines.